Yeah. Entre mes ennemis et mes futurs amis, dis-moi du couture qui. Entre les faux et tous ceux qui m'ont pris, dis-moi du couture qui. En vrai, moi, tu vois qui sont les vrais. Yeah. Où sont les vrais? Hey. Où sont les vrais? Et quand arrive les histoires, tu te retires. Où sont les vrais? Et quand c'est mon heure de gloire, là, je t'assure. Sur qui je peux compter, pour qui je peux tirer? Si ça part en couille, la peur de me venger, je vais pas le passer. Medigari, oublie ça. Tu connais leur vrai visage. Une équipe qui charge, va riposter. C'est sûr dans ton clan, y aura des blessés, des corps rattachés. L'ange de la mort qui se balade, toi et là, tout surveille tes pas. Jour comme nuit, je réfléchis, tellement d'ennemis, tellement d'ennemis. Si peu d'amis, que la famille, au sein je me confie, ma vie conflit, ma vie pour qui, un seul coup de fil, si je perds qui, c'est là ici, j'ai compris, chez la copine, je me souris, je veux même pas mourir, ici je porte, ici bas, qui se chargera de ma famille, et c'est dans la nuit, quand la pluie tombe, que je médite, sortir nos mères du bendon, c'est entre mes ennemis, mes futurs amis, dis-moi je compte sur qui, entre les faux et tous ceux qui m'ont mis, dis-moi je compte sur qui, en votre voix, je sais pas qui sont les vrais. Où sont les vrais? Hey, où sont les vrais? Et quand arrive les histoires, tu te retires. Hey, où sont les vrais? Et quand c'est mon heure de gloire, là je t'assure. Dans cette vie où sont mes vrais gars, tu merci je n'ai pas divagué. Y'a deux ans la boîte mais tu vas tant. Aujourd'hui c'est un chiffre pour un showcase. Tu vois que je prends du poids, tu veux me coller. Tu veux me tèche partout quand je suis sans caisse. La rue m'a fait perdre des amis et m'a fait en pleurs. Tu es totalement choqué. Tu en affrontement je ne quitte pas. Dans le sang dans la vie je sonne. Donc maman ne t'inquiète pas. Un million je rentre à la sommet. Sur tous les gens dont je ne compte pas. Tu sais les vrais et les faux amis. Trahir un frère non ça jamais. HK Mais HK dis-moi où ils sont les vrais boys. Mais Ben et dis-moi où ils sont les vrais boys. Y'a Izan et Tiki où ils sont les vrais boys. Y'a Wala dis-moi où ils sont les vrais boys. Où sont les vrais, dis-moi où sont les vrais. Rien à son projet, on est toujours resté vrai. Où sont les vrais, dis-moi où sont les vrais. Rien à son projet, on est toujours resté vrai. Où sont les vrais? Cheers.